Vous êtes libre. Ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. Bonjour et bienvenue pour ce sixième numéro de Vous êtes libre ce soir. Au programme de ce numéro, un entretien avec Bernadette Arnault de La Ruche au Savoir, une association, loi 1901, sur la riche, qui fait partie des réseaux réciproques d'échange de savoir. Je rappelle que la programmation musicale de l'émission est essentiellement faite avec des musiques sous licence Creative Commons et donc librement accessibles sur Internet. Aujourd'hui, je reçois à mes côtés Bernadette Arnault, présidente de l'association La Ruche au Savoir. Bonjour. Bonjour. Merci donc d'avoir répondu à mon invitation. Je souhaitais principalement en fait t'interviewer pour parler autrement des logiciels libres, puisque aujourd'hui, nous allons parler des réseaux d'échange réciproque de savoir, autrement dit les RERS avec l'acronyme. Je voulais faire le parallèle entre ces réseaux d'échange de savoir et justement le domaine des logiciels libres. Et donc, les RERS, c'est quoi ? Alors, un réseau d'échange de savoir, c'est, on pourrait dire, la réunion d'un certain nombre de personnes qui vont proposer de proposer leur savoir dans tous les domaines possibles et de recevoir, d'apprendre quelque chose. On part du principe dans les réseaux d'échange de savoir que chacun sait quelque chose et est en capacité d'apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà, effectivement, je suis très, très contente de pouvoir, si possible, apporter ma petite pierre à ce parallèle que tu souhaites faire, parce qu'effectivement, on se reconnaît bien, même si moi, je ne suis pas spécialiste du tout des logiciels libres, mais je sens que quand tu m'en parles, je me reconnais dans cette démarche, en tous les cas. Effectivement. Et puis, on peut aussi dire que donc, les réseaux font partie d'un mouvement. Il y a le mouvement des réseaux d'échange réciproque de savoir. Oui, tout à fait. Donc, alors, le mouvement des réseaux d'échange de savoir, c'est-à-dire c'est les réseaux, comme son nom l'indique, travaillent, on peut dire, en réseau. C'est l'intérêt, c'est de faire que les personnes qui participent à un réseau ne sont pas isolées dans leur quartier ou dans leur ville. Hein, voilà. Ils sont amenés, parce que quand on cherche un savoir, on ne l'a pas forcément à côté, dans la personne qui se situe juste à côté de nous, il faut aller le chercher dans ses relations, ses connaissances, etc. Donc ça permet justement de construire le réseau. Et puis, ce sujet-là, Internet est quand même un outil formidable parce qu'on peut diffuser l'offre et ça réagit assez rapidement pour dire bah, « Tiens, moi, j'ai ce savoir, je peux peut-être le proposer à quelqu'un. Voilà. » Donc il y a un mouvement, effectivement, je rappellerai l'adresse du site du MRERS, donc le mouvement des réseaux d'échange réciproque de savoir. Je mettrai les liens sur le site de l'émission. Il existe aussi des réseaux à l'étranger. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire aussi quand tu parles de mouvement, ça me fait penser aussi qu'on s'inscrit dans un mouvement d'économie solidaire qui me font penser aussi au SEL, les systèmes d'échange locaux, les systèmes de troc et des tas de systèmes qui existent à l'étranger, comme aux États-Unis, je crois que c'est le je me souviens plus exactement du terme, time dollar, enfin des choses comme ça, les banques du temps italiennes, enfin toutes ces choses où on se dit que on peut peut-être avoir une autre façon de consommer, d'échanger ou des savoirs ou des objets sans forcément s'inscrire dans une économie de marché, quoi. C'est vrai que quand je parle à mon alentour des réseaux d'échange de savoir, souvent les gens ne connaissent pas. Par contre, ils connaissent l'existence des SEL, des échanges de services. Et donc, moi, je précise bien que nous, effectivement, ce ne sont pas des services, mais bien du savoir. Mais on est dans le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit, tout à fait. Et puis, on peut juste rappeler que ce mouvement, en fait, est né un peu aussi par rapport à l'éducation populaire, notamment. Tout à fait, oui, c'est ça. Enfin, c'est les bases, hein, c'est-à-dire c'est le partage du savoir, l'accès du savoir à tous. Chacun doit être en capacité de maîtriser sa vie, la vie aussi de la société, de la communauté humaine, etc. Et donc l'éducation populaire est effectivement au travers d'une enseignante qui dans les années 70 a eu envie de pratiquer ce genre de pédagogie, on va dire, d'expérience, au sein de sa classe. Et petit à petit, ça s'est un peu officialisé. Donc, comme elle travaillait en réseau, avec notamment les réseaux de la ville d'Evry, le réseau associatif, donc ça s'est construit petit à petit comme ça et développé également à l'étranger, comme tu le soulignais. Oui, puisqu'on a, des liens, des contacts avec, par exemple, je pensais à l'exemple du Sénégal, où justement, où c'est pareil, c'est un enseignant qui, donc, dans une école, en fait, a souhaité établir ce même procédé, principe, en fait, ce même principe, pour que, notamment, c'était justement pour apprendre, apparemment, entre professeurs déjà, à se servir de l'outil informatique. Et donc, comme il n'y avait personne, finalement, pour former les gens, chacun, éventuellement, est détenteur d'un savoir, et donc voilà, ça s'apprend. Oui, ça communique. Et donc, effectivement, il y a des réseaux en Afrique, hein, pas seulement au Sénégal, et qui sont en contact avec des réseaux français, et des échanges continuent, ou par Internet, ou en contact direct, hein. Puisqu'il y a des voyages qui s'organisent de part et d'autre. Comme les, on va terminer là-dessus pour la présentation des réseaux, on fait aussi souvent des inter-réseaux, c'est-à-dire que, pour prendre l'exemple local, on a le réseau Région Centre, voilà, tout à donc fait. L'inter-réseau Centre, qui réunit les réseaux de Blois, d'Orléans, de Romorantin, de Tours, par exemple, avec La Riche. Ouais. Et qui permet d'échanger sur nos pratiques, d'échanger des astuces, des infos, et puis de progresser un petit peu dans la réflexion sur la démarche, sur ces pratiques. Voilà pour une première présentation des RERS, le moment d'une première pause musicale avec le groupe Tantadel et la famille, avec le titre La plage, disponible sur l'album Montre ton public à la dame. Et c'est disponible sur la plateforme Jamendo, et c'est sous licence Creative Commons by NCSA. 1, 2, 3, 4. Début des vacances, nous n'avons pas eu la chance de voir le soleil pointer son nez. C'est vrai que c'est pas ordinaire de prendre des vacances à la mer en plein milieu du mois de février. Hey, hey, allons à la plage, allons nous baigner. Le drapeau est vert, il faut en profiter. Allons à la plage, allons nous baigner. Profitons de la marée. Hey, hey, allons à la plage, allons nous baigner. Le drapeau est vert, il faut en profiter. Allons à la plage, allons nous baigner. Profitons de la marée. Il faut dire que le prix des locations est beaucoup plus bas hors saison. Fallait sauter sur l'occasion. On a toute la place pour se garer, même les restaurants sont fermés. Nous sommes les seuls dans la station. Hey, hey, allons à la plage, allons nous baigner. Le drapeau est vert, il faut en profiter. Allons à la plage, allons nous baigner. Profitons de la marée. Hey, hey, allons à la plage, allons nous baigner. Le drapeau est vert, il faut en profiter. Allons à la plage, allons nous baigner. Profitons de la marée. Même si la mer n'est qu'un gros glaçon, il faut trouver une solution. On va se baigner de toute façon. On a cassé nos tirelires cochons, acheté du matos d'occasion. Nous sommes prêts pour la natation. Allons à la plage, allons nous baigner. Le drapeau est vert, il faut en profiter. Allons à la plage, allons nous baigner. Profitons de la marée. Allons à la plage, allons nous baigner. Avec l'équipement, nous sommes bien protégés. Allons à la plage, allons nous baigner. C'est pas sympa de se marrer. C'est pas sympa de se marrer. C'est pas sympa de se. C'est pas sympa de se. C'est pas sympa de se marrer. C'est pas sympa de se. C'est pas sympa de se. C'est pas sympa de se marrer. C'est pas sabateux, c'est pas sabateux, c'est pas sabateux marée. C'est pas sabateux, c'est pas sabateux, c'est pas sabateux marée. C'est pas sabateux, c'est pas sabateux, c'est pas sabateux marée. C'est pas sabateux, c'est pas sabateux, c'est pas sabateux marée. Et sur la plage, il y a toujours un joli garçon plein de poils qui joue du djembé. Hey, Voilà pour ce premier titre musical dans Vous êtes libre ce soir, édition numéro 6. Tout de suite, on retrouve la suite de l'interview réalisée avec Bernadette. L'occasion donc de faire le parallèle entre les réseaux d'échange réciproques de savoir et les logiciels libres. Et je profite donc de cet intermède pour rappeler les libertés des logiciels libres, qui sont donc liberté 0, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme. Liberté 2, la liberté de redistribuer des copies. Et enfin, la liberté 3, la liberté d'améliorer le programme et de publier les améliorations. Ce rappel étant fait, voici la suite de l'interview. Vous êtes libre. Ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. On fait souvent le parallèle, en fait, pour expliquer un petit peu mieux ces quatre libertés, par rapport à la recette de cuisine. Et notamment, dans les réseaux d'échanges, on aime bien souvent faire des échanges de cuisine. De cuisine, tout à fait. Oui, oui. Parce qu'à la fois, oui, c'est un moment de convivialité. Voilà, et c'est aussi un moment où on se retrouve, parce que souvent, les échanges se font en individuel. Face à face. Donc, c'est une façon de faire des échanges, collectifs. Tout à fait. Et après, de partager le repas, justement. Voilà. Mais c'est vrai que le parallèle avec la recette de cuisine, c'est que comme on le disait là, c'est-à-dire à la base il y a une recette qui est écrite, voilà. Hein, mais par contre on n'a pas forcément les ingrédients sur place, on n'a pas forcément envie de respecter tout à fait les proportions qui sont indiquées, donc on est obligé d'adapter un petit peu la recette, d'inventer. Chacun peut y mettre son petit grain de sel, si on peut dire. Voilà. Et donc, à la fois, on adapte à chaque personne, on crée, on est très sensible dans les réseaux à la création collective. Et donc, à la fin, on a quelque chose de nouveau qui est à la fois parti de quelque chose d'un petit peu figé, quoi, une recette. Et donc, on invente un autre quelque chose qui va à la fois être repris par quelqu'un d'autre, réadapté, etc. Et là, vraiment, on est en plein dans le principe, si j'ai bien compris. On est en plein dans le principe du logiciel, parce que si on prend donc le parallèle avec la recette, donc nous avons les ingrédients qui composent cette recette de cuisine. Dans un logiciel libre, on a connaissance justement des ingrédients, combien il y a d'eau, combien il y a... Enfin, c'est pas forcément... Et alors, logiciel libre, l'eau, c'est quoi ? Combien il y a de farine, combien il y a de beurre, etc. Et alors que dans un logiciel fermé, donc dit propriétaire, on ne connaît pas la composition en fait de la recette. Donc dans un logiciel libre, on la connaît, et éventuellement, ben justement, on va pouvoir la reprendre, mettre un peu moins de beurre, mettre un peu moins de sucre, et puis la personne, voilà, redistribuer. Mmh. En fait, on redistribue la copie une fois modifiée, parce que un logiciel libre, c'est ça aussi. On peut prendre le logiciel au départ et simplement le distribuer. Ça, c'est la liberté justement de pouvoir en faire des copies normales. Mais aussi, on peut être justement un programmeur, modifier la recette, modifier le programme et redistribuer les modifications que l'on a faites de ce programme. Et donc là, on rejoint le fait que bah, chacun peut après réinterpréter finalement la recette de cuisine et pouvoir la donner à d'autres personnes, du coup. Et c'est vrai que l'intérêt des réseaux d'échange de savoir, c'est de permettre aux gens de se rendre compte que comment ils ont envie d'apprendre, comment le savoir peut leur être profitable à eux. Enfin, c'est vraiment personnaliser à la fois l'apprentissage de ce savoir et la façon dont on va l'utiliser. Hein. Contrairement à un savoir académique qui est distribué, alors soit à l'école, l'université, etc., qui vous vient d'en haut, hein, qui est comme ça, qui est vraiment un savoir d'expert et qui est respectable. On n'a pas le droit d'y toucher. Enfin, vraiment, on se sent tout petit. Alors que là, on a la capacité de mettre sa petite pierre à l'édifice et de dire, voilà, moi, voilà comment ce savoir-là, comment je me l'approprie, comment j'ai envie d'en faire mon miel, etc. Et plus un savoir, je le dis souvent, quand on choisit d'apprendre d'une certaine façon et quelque chose qu'on a vraiment envie d'apprendre, on apprend mieux. Ça se voit avec les enfants, ça se voit avec et des adultes aussi. Hein. On fait dans la formation un petit peu la formation des adultes, hein, on fait des ateliers personnalisés, des ateliers pédagogie personnalisés. C'est pas pour rien, quoi. On s'est rendu compte que distribuer de la connaissance comme ça, sans l'adapter, ça marche pas. Hein. On peut faire un petit peu d'argent un certain temps, mais au bout du compte, ça ne marche plus, quoi. Donc dans les réseaux, ce qui est intéressant, et je suis tout à fait d'accord pour ce parallèle avec les logiciels libres, on distribue une espèce de nouvelle version de la recette. Voilà, hein. Ouais. On a adapté le savoir. Que l'on a amélioré et qu'on... Voilà. Et qui convient à chacun. Et voilà, qu'on adapte finalement à l'utilisateur, je pourrais dire, en fait, au consommateur. Oui. Mais parce que dans le bon sens du terme. C'est en ça aussi l'existence même des logiciels, c'est l'un des fondements finalement des logiciels libres, c'est de répondre à un besoin pour un utilisateur. On a besoin d'écrire un document de texte, donc on a fait un logiciel de traitement de texte. Si on n'avait pas eu besoin de le faire, on ne l'aurait pas fait. Par rapport à la recette et par rapport aux échanges de savoir, si on n'a pas besoin du savoir, finalement, bah, on ne va pas aller le chercher, on ne va pas l'apprendre. Mm-hmm. Alors que si on a réellement besoin de ce savoir, bah, justement, on va trouver et puis effectivement, on apprendra mieux en plus. Et effectivement, quand on pense à ça, c'est réintroduire l'homme Alors j'ai envie de dire l'économie, mais une économie au bon sens du terme, hein, parce que l'économie au sens de l'économie de marché, c'est le profit en premier, tandis que là on pense l'humain, hein, c'est le profit que peut en faire l'humain, mais voilà, c'est ouais. Pas au profit au sens flux financier, etc. Là c'est vraiment de la circulation du savoir et de quelque chose qui va être le bien commun, quoi. C'est ça. Et tu prononces le mot bien commun, et ben on part souvent du principe que le logiciel libre, justement, fait partie de ce bien commun, parce que justement, il est accessible par tous, sans aucune restriction. Il est accessible par tous, et voilà, il fait partie du bien commun. Du bien commun, comme l'air, l'eau, etc. Voilà. Claire Hébert-Suffrin, qui est donc la fondatrice des réseaux d'échange de savoir, a employé ce terme très beau, et elle parlait des communaux des temps modernes. C'est les communaux, c'était dans une commune, tu as des terrains, enfin des champs, qui sont où on pouvait emmener paître les animaux, qu'on pouvait couper l'herbe, qui appartenaient en communauté, toute la commune, donc, précisément. Et elle avait choisi ce terme, les communaux des temps modernes, donc c'est les savoirs qu'on peut se partager. Hein. Parce que j'avais eu l'occasion déjà de parler de l'Université de Québec à Laval oui. qui fait des cours sur les logiciels libres, accessibles à tous, justement, sur Internet. Et lors de la précédente année, je crois que c'était même en 2005-2006, il avait fait parler de l'expérience justement des Commons en Angleterre, qui justement effectivement les paysans amenaient leurs bêtes paître et puis brouter le gazon. Et à un moment donné, il y a eu une privatisation en fait de ces champs, communs, au profit bien sûr des gens les plus forts et les plus riches. d'un certain nombre. En fait, l'appropriation en fait d'un bien commun, justement, la captation d'un bien commun par un petit nombre de privilégiés. Et alors, certains ont tendance justement à expliquer la chose en disant que finalement ça a été un bienfait parce que ça a permis à la terre de rester productrice parce qu'elle était moins exploitée en fait. Mais il y a aussi la version inverse qui dit que ça a créé beaucoup de pauvreté, de misère, et que des gens ont dû finalement aller immigrer, d'où l'immigration après aux États-Unis, etc. Et donc il y avait le parallèle qui avait été fait finalement au logiciel libre et même au-delà finalement par rapport à cette notion de brevet où certains hommes cherchent toujours à finalement limiter finalement l'accès aux choses, à les réduire pour pouvoir en faire un profit, alors que finalement l'autre opposé et peut exister au fait que ça soit accessible et que tout le monde puisse en profiter quand même, quoi. Oui, ça me fait penser à la notion de rareté et d'abondance. On est dans une société où on nous fait croire qu'on est dans une société de rareté alors qu'on est dans une société d'abondance où que ce soit le savoir ou des biens sont en abondance, on aurait de quoi nourrir la planète, mais il y a un petit nombre qui a intérêt à capter, comme je disais tout à l'heure, des biens comme ça pour pouvoir les rentabiliser. Voilà, c'est ça, oui. Ce qui ne veut pas dire que la rentabilité, ce n'est pas une notion que les réseaux ne peuvent pas s'approprier. Hein. Et évidemment qu'il faut rentabiliser les choses, mais au sens où on se débarrasse un petit peu du sens de la monnaie, hein, au sens où on peut donc échanger des choses. L'argent ne doit pas être un obstacle à la circulation des savoirs. On s'arrange d'une façon ou d'une autre. On peut. Ça, on y reviendra justement quand on parlera de la notion de gratuité, en fait. Vous venez d'écouter Expérience 2 de Grace Valhalla, tiré de l'album Peak, disponible sur Jamendo, et c'est sous licence Creative Commons by NC-ND. On retrouve maintenant l'enregistrement de Bernadette Arnault de La Ruche au Savoir sur ce rapprochement entre les logiciels libres et les savoirs, et quoi de plus naturel que de parler un petit peu de Wikipédia. Un autre point qu'on peut aborder, je pense, à Wikipédia, qui est donc une encyclopédie libre et gratuite disponible sur Internet, qui est donc est né un peu suite à tout ce mouvement qui est lié au logiciel libre. Donc d'ailleurs il y a eu récemment pas une polémique mais un petit sujet sur le blog de Framasoft l'évoquait en fait cette notion que Wikipédia est fortement lié au logiciel libre, et donc voilà, la question était posée par rapport à au côté un peu avantageux que certains articles faisaient une bonne place au logiciel libre, et certains articles qui étaient notamment consacrés à Microsoft, on citait des points négatifs alors qu'on ne le faisait pas sur l'article qui était consacré à Linux, par exemple. Donc les articles ont été modifiés dans le sens où, justement, pour être un peu plus neutre, mais Framasoft disait bien que finalement, il ne peut pas y avoir tant que ça de neutralité, parce que Wikipédia est basé sur des logiciels libres, l'architecture qu'il y a derrière, c'est du logiciel libre, et c'est la philosophie du logiciel libre. Et donc Wikipédia finalement va très bien par rapport au réseau d'échange de savoir, puisque Wikipédia est une encyclopédie donc qui diffuse du savoir, qui est donc élaborée en plus par n'importe quel internaute qui peut avoir accès à Internet et participer donc à cette encyclopédie. Et les réseaux d'échange de savoir, c'est exactement ça, sauf que c'est pas sur Internet. Oui, mais ça peut être sur Internet aussi. Je pense qu'on doit diffuser, je pense, des savoirs par Internet sur les sites des réseaux. On peut trouver des recettes de cuisine, on peut trouver des photos, on peut s'inspirer, effectivement. Mais les échanges qui peuvent être faits justement collectifs ou individuels, c'est quelque part un peu le même principe que l'encyclopédie, en fait. Oui, tout à fait, où chacun peut apporter effectivement son savoir. Voilà. Tu voulais, par rapport à ces échanges de savoir, on peut se poser la question de la légitimité qualité en fait de ses connaissances, voilà, du niveau de qualité en fait que peuvent voilà, que ça soit à Wikipédia, est-ce que les articles sont bons, pas bons, est-ce qu'ils comportent des erreurs, et finalement dans nos échanges de savoir, est-ce que bah voilà, est-ce que c'est des est-ce que c'est des vrais savoirs, voilà, des vraies connaissances légitimées, validées, etc. Voilà. C'est vrai que moi, je me pose la question quand je vais sur Wikipédia, je me dis, mais est-ce que c'est la vraie information, est-ce que c'est légitimé, académique. On a écouté une émission où Michel Serres était interviewé et était assez enthousiaste pour Wikipédia, qui faisait le parallèle avec l'encyclopédie Britannica. Et effectivement, donc on peut se poser la question de savoir quelle légitimité, quelle validation on peut accorder à ces savoirs-là. Alors, Michel Serres répondait pour le Wikipédia que, si je ne me trompe pas, il y avait 3,86 erreurs par article pour Wikipédia et et 1% de moins pour 1% de moins sur Britannica. Donc finalement ces savoirs-là, ils valent quelque chose, hein, on pourrait dire. Dans les réseaux, c'est pareil. Je pense que c'est ça peut être vérifié parce que notamment dans la réciprocité, chacun peut apporter ensuite des améliorations, des vérifications, enfin des choses comme ça quand le savoir est retransmis. Et puis de toute façon, quand on offre un savoir, on est amené à le retravailler, et c'est là où l'intérêt du comment dire, de l'enrichissement qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand tu proposes un savoir, je parlais de l'italien tout à l'heure, je ne vais pas me lancer dans l'apprentissage d'un savoir à quelqu'un, comme ça, du jour au lendemain, lui dire, allez, on y va, je vais me préparer, je vais me perfectionner un petit peu, je vais aller reprendre mes bouquins, sources, ouais. Voilà, je vais voir, je vais aller chercher quel livre je vais pouvoir... Donc je vais retravailler mon savoir et l'améliorer, en fait, hein. Et sûrement, de cette façon-là, le revalider, aller un petit peu vérifier si mes sources sont bonnes, si je prononce bien, etc. Donc il y a une auto-validation, une auto-rectification, je vais dire, comme je suppose se passe sur Wikipédia, qui est réactualisé en permanence. L'effet collectif en plus joue en faveur de Wikipédia, c'est-à-dire qu'effectivement une personne ne peut pas détenir tout le savoir non plus, et donc collectivement on arrive à faire quelque chose de bien, puisque voilà. Et je repense finalement à cette notion de, justement, qu'on se remet aussi en question, justement, quand on fait des échanges de savoir, parce qu'on a notamment certains membres qui, généralement, ne participent peu, en fait, aux échanges collectifs, par exemple. Ouais. Parce que on connaît un membre qui, en fait, vient là pas pour, finalement, prendre, en fait, recevoir les savoirs, mais plutôt pour donner. Et souvent, en fait, et à un moment donné, on lui avait posé la question un peu aussi, parce que bon, justement, on est quand même beaucoup dans la réciprocité, donc à un moment donné, on donne, mais c'est aussi pour recevoir, quelque part. Et lui disait que en donnant, il reçoit aussi, puisque effectivement, il reçoit l'épanouissement que peut avoir la personne en face, parce qu'elle est contente d'apprendre et puis d'être après autonome sur certains sujets, par exemple. Et puis, enrichissement, en fait, même en donnant, puisque on s'est remis un petit peu en question, on a réactualisé ses savoirs, voilà. Et on est aussi content finalement de pouvoir échanger et apprendre à l'autre, quoi. Et dans les réseaux, on se pose la question au niveau notamment national, à savoir est-ce qu'on pourrait faire reconnaître les savoirs, mais reconnaître par la société comme une validation officielle, les savoirs qui sont dispensés dans les réseaux. L'expérience qu'on a pu, il y a des gens qui offrent un savoir depuis longtemps de façon très efficace, donc est-ce qu'on pourrait faire rentrer ça dans la validation des acquis, la VAE, est-ce qu'on pourrait faire reconnaître donc les savoirs qui sont diffusés dans les réseaux, les valider à un moment donné? Donc c'est quand même une question qui se pose dans les réseaux d'échange de savoir. Michel Serres parlait de vérification mutuelle, et c'est vrai que la mutualisation des savoirs, la mutualisation des connaissances et aussi cette vérification, cette coopération, c'est vraiment faire vivre cette parole de dire le lien est plus fort que le bien. Je trouve que ça s'applique bien à la fois au logiciel libre, oui, qui crée des liens, des réseaux, hein, entre les personnes. Et puis chacun, ceux qui développent les logiciels, bah, voilà, certains corrigent justement les erreurs, les fameux bugs. Et donc voilà, chacun apporte effectivement son savoir dans l'élaboration des logiciels. Pour à la fois, et ça n'appartient pas à une seule personne ou une seule communauté, mais quelque chose de beaucoup plus large. Donc c'est bien du bien commun. Voilà, on retombe toujours sur nos pieds. People. C'était Reggae Reggae de Slapstick de l'album Where We Belong To, disponible sur Jamendo, et c'est sous licence Creative Commons by NCND. On évoque à présent avec Bernadette la notion d'adaptation en fait du logiciel libre, ainsi que l'adaptation des échanges de savoir. Vous êtes libre ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. On peut aussi évoquer le fait que quand on fait des échanges de savoir, on adapte aussi notre savoir. Chaque personne est différente et donc le savoir que l'on peut détenir, en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face, il faut qu'on puisse aussi s'adapter pour que le message quand même puisse passer. Et donc on avait dit qu'on adaptait un peu le savoir, justement, s'adapter au niveau de l'autre personne. Tout à fait. Il y a une chose essentielle dans les réseaux d'échange de savoir. Dans notre pratique, on ne commence pas un échange sans avoir fait une mise en relation. Et dans la mise en relation, l'importance est donnée à la parole de la personne qui veut apprendre et aussi à la personne qui va offrir son savoir. Comment on a envie, quelle méthode on va choisir? Est-ce que cette méthode convient à la personne qui demande ce savoir? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que la personne vient chercher exactement? C'est une redéfinition à la fois de l'offre et de la demande pour que ça ne démarre pas sur des malentendus, des choses comme ça. Voilà, préciser, bien définir l'offre et la demande. Hein, s'il y a une demande en informatique, c'est quoi? Sur quelle question? C'est quoi exactement ce que la personne demande? Et pour qu'on soit au plus près du besoin et voilà. Et ça se passe bien. Et qu'on reste dans le cadre des échanges de savoir, puisque justement, j'avais eu personnellement le cas où la personne qui venait, en fait, était plus, elle cherchait plus le service plutôt que le savoir. C'est la personne n'avait finalement pas le temps d'apprendre, par exemple, à se servir d'un outil informatique. C'était plus pour la finalité en soi. Et donc, au moment de la médiation, ça a permis justement de pouvoir le détecter et de ne pas perdre du temps finalement inutilement sur un échange qui n'aurait pas abouti à un échange de savoir puisque ce n'était pas l'objet de la personne. Voilà, quoi. Tout à fait. La personne avait besoin de... elle ne voulait pas passer par le système marchand parce que c'était une question de moyens financiers. Mais on pouvait lui proposer d'apprendre quelque chose, mais c'était pas ce qu'elle recherchait. Voilà. Donc ça ne s'est pas fait, et c'était très bien, parce que sinon il y aurait eu un malentendu, quelque chose qu'elle n'avait pas. Et donc, au niveau des logiciels libres, il y a toujours aussi, par rapport au fait qu'on adapte le savoir, il y a toujours une adaptation aux besoins, finalement, de l'utilisateur. Et l'existence même d'un logiciel libre, c'est de répondre à un besoin. Et donc, si le besoin n'existe pas, le logiciel libre n'existe pas. Et tous les logiciels libres qui peuvent exister, c'est parce que des utilisateurs, à un moment donné, en ont eu besoin. Et donc, on commençait à les développer. Après, d'autres se sont regroupés, etc. Et donc, on obtient des logiciels de création d'images, de traitement de texte, des systèmes d'exploitation qui répondent vraiment à des besoins. Et alors que dans le système finalement fermé propriétaire, généralement, on propose des outils. Après, on essaye de les vendre. Si éventuellement, il y a des fonctions manquantes, etc., on va les proposer aux versions suivantes. Mais l'utilisateur, il faudra qu'il migre. Et donc, à chaque fois, on l'oblige finalement à re-acheter une autre licence. Alors qu'on n'oblige pas ça, en fait, dans le domaine du libre. Si une version fonctionne, elle répond vraiment aux besoins. Et j'ai l'impression, c'est le cas du tout de l'économie de marché, c'est-à-dire qu'on ne répond pas forcément à un besoin, mais on crée le besoin, à la limite. Oui. Ça, c'est plutôt dans ce sens-là que je comprends les choses. Oui. Et je pense que... Alors que là, il n'y a pas la création du besoin, c'est puisque le besoin à la base existe. On a besoin d'un logiciel spécifique, un logiciel métier pour faire quelque chose, on va le développer. Quoi. Notamment, en préparant l'émission, j'ai trouvé sur Internet, le site du réseau de Grenoble, un des animateurs du réseau qui cherchait donc un logiciel pour gérer un petit peu les répertoire, offres, les offres et les demandes, et puis je pense les adhérents. Et donc, il a trouvé un logiciel libre. Qui s'appelle Moodle. Donc moi ça m'a paru intéressant parce que je pense que si ils ont apparemment déjà utilisé dans leur réseau, ils commencent à l'utiliser, et je pense que en adaptant ce logiciel aux besoins de gestion du réseau, je pense qu'ils vont l'améliorer, et pourquoi pas, peut-être que ça pourrait être utilisé dans à la rue Chaussavoir par exemple, aller voir, proposer des modifications, ça pourrait être quand même un travail collectif intéressant. intéressant. Raison, oui, oui, oui, tout à fait. Alors, même, même quand on, comme moi qui ne suis pas experte ni je ne comprends pas toujours le jargon des logiciels libres, mais je sens là une démarche qui m'intéresse en tous les cas, hein. Je mords bien dedans. Et est-ce que c'est le jargon des logiciels libres ou est-ce que c'est le jargon informatique aussi? Je crois qu'il y a les deux parce qu'il y a vraiment aussi. Des... Ouais, ouais, ouais. Il y a un jargon informatique. Alors, il y a du langage, souvent, on arrive très vite avec plein de lettres là, qui suivent, qui sont imprononçables. Alors, Moodle, ça va. Oui. Et en plus, là, je trouve que c'était présenté d'une façon assez ludique. Mais voilà, et je trouve que c'est intéressant et on est et donc, bien oui, si on reprend effectivement l'exemple de ce logiciel. Donc, le logiciel, c'est un logiciel de e-learning, d'apprentissage, en fait, en français. Je ne sais plus comment on peut traduire e-learning. Mais, e-learning, bah, de l'apprentissage. Sur Internet. Sur Internet, oui. Oui. Le CNED fait des choses comme L'apprentissage en ligne, quoi. Ah, oui. Et donc avec la partie formateur et puis les stagiaires qui donc, peuvent suivre des cours sur un profil. Et là, ce serait effectivement le but de l'adapter justement aux offres d'échange de savoir avec les participants qui ont des connaissances à la fois en tant qu'offreur et en tant que demandeur. Et donc, comme c'est un logiciel libre, justement, ceux qui peuvent le faire donc, sont tout à fait autorisés et même finalement encouragés, quelque part, à justement reprendre ce logiciel et l'adapter à leurs besoins. Puisque finalement, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'existe pas de logiciel pour gérer des réseaux d'échanges réciproques de savoir. Ils sont partis de ce logiciel qui existe, qui répond à peu près aux besoins, puisqu'on est dans la notion d'échange de savoir, puisque... il y a l'apprenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le prestataire de formation et le stagiaire. Voilà, ouais. Et que, enfin, dans les logiciels habituels, si tu veux. Hein. Alors que là, on pourrait... le stagiaire est obligé de choisir dans un catalogue, on va dire. Et puis, voilà, hein, il a le choix, voilà. Mais il n'a pas trop le choix non plus. Ouais. Tandis que là, le stagiaire lui-même peut se mettre en position de proposer un savoir et de se mettre dans la... position de lui d'être prestataire de formation, voilà. De proposer des formations, des savoirs. Mmh. Et là, ça m'évoque ce qui nous tient à cœur dans les réseaux, c'est-à-dire casser le système un peu hiérarchique, c'est-à-dire celui qui enseigne, celui qui sait et celui qui apprend. Hein. Et puis voilà, on n'en démord pas. Dès que là, on a pris dès le départ, dès la création, cette volonté, ouais. Cette notion de casser la hiérarchie enseignant-apprenant. Oui, puisque même quand des personnes nouvelles viennent, en fait, viennent à la ruche, par exemple, elles demandent si voilà, il y a des cours sur des cours d'anglais, par exemple. Et donc, souvent, on rectifie assez rapidement qu'on ne dispense pas de cours. Il n'y a pas cette notion, effectivement, l'enseignant qui détient vraiment le savoir et puis l'élève qui est là et qui doit écouter. Parce que ça reste un échange, donc voilà, au moment des échanges, il y a toujours finalement la personne qui est censée apprendre qui va aussi... Voilà, oui, tout à fait. À un moment donné, il va se trouver dans la position d'offrir un savoir. Bon, il ne faut quand même pas être complètement naïf et dire que tout le monde peut enseigner parce que tout le monde est expert. Comme disait encore une fois Michel Serres, les experts, on peut leur faire confiance. Hein, si on a suffisamment de connaissances soi-même pour se dire, bon, est-ce qu'il est vraiment expert? Est-ce qu'il n'est pas en train de me manipuler, etc. Hein, d'où la notion d'éducation populaire. Chacun doit être en capacité d'avoir ce sens critique. Hein, c'est bien pour ça qu'on y tient. Mais quand même, il y a quand même des gens, il faut reconnaître, qui ont un niveau d'expertise supérieur à l'autre. Hein. Mais voilà, tout simplement, on part du principe que c'est pas parce que quelqu'un sait quelque chose de façon assez complète que soi-même, à son niveau... Hein, à son niveau d'expertise, même s'il est assez faible, on ne peut pas déjà démarrer cette position d'apprendre à quelqu'un. Thank you. C'était Thalassa Bonus Track de Sol Carlus, disponible sur l'album Primarius, sur Jamendo, et c'est sous licence Creative Commons by NC. Tout de suite, la dernière ligne droite de cet entretien avec Bernadette Arnault, et nous revenons sur la notion de gratuité des échanges de savoir et ainsi que la gratuité des logiciels libres. Une notion qu'on pourrait reprendre, qui est quand même très importante au niveau des réseaux, c'est la notion de gratuité, qui est un point majeur finalement dans la définition. Ça s'inscrit dans la charte. Voilà. Et alors souvent, pour faire le lien avec les logiciels libres, on fait souvent on dit que les logiciels libres égalent gratuits. Or, ceux qui connaissent véritablement les logiciels libres souvent rectifient et disent attention. Logiciel libre ne veut pas dire gratuit, puisque finalement il y a toujours aussi un coût quelque part, et puis certains logiciels libres se vendent également. Enfin, il existe une économie du logiciel libre, des entreprises qui vivent du logiciel libre, etc. Et donc, certes, de toute façon, comme le code source est disponible, il se retrouve forcément à un moment donné ou un autre que le logiciel libre est accessible gratuitement. De toute façon, ça, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'utiliser un logiciel libre, puisque c'est l'essence même de son existence. Par contre, il y a une notion de coût aussi quand même qui existe. Et pour en revenir aux échanges de savoir, il y a cette notion de gratuité, mais tout à l'heure on évoquait qu'il faut pas que ce soit un frein finalement à l'échange. Oui, voilà. On trouve toujours quelque chose. Une gratuité, c'est vrai qu'on dit. Les réseaux d'échange, Il n'y a pas de monnaie, gratuits. La monnaie c'est le savoir. Mais il faut bien savoir que il y a toujours un coût, il faut être réaliste. Il y a un coût si on fait un échange de cuisine, si on veut manger, il faut quand même acheter un minimum de choses. Même si on sait faire de la récup, des choses comme ça, il faut acheter quand même. Donc, le principe, ce qu'on veut dire en fait, c'est que l'argent ne doit pas être un obstacle à un échange. On va trouver une solution, le réseau va pouvoir financer une partie, ou alors on va partager les frais, ça ne doit pas être un obstacle, on trouve la solution. Mais tu parlais d'économie en fait, les logiciels libres, ça fait vivre des entreprises, Mais moi je pense toujours à l'économie solidaire, les réseaux d'échange de savoir s'inscrivent dans cette économie solidaire, et l'économie solidaire c'est une économie à part entière, qui fait vivre des entreprises et qui sont rentables, etc. Simplement, c'est réintroduire l'homme au sein de l'économie, ce qu'on oublie un petit peu dans l'économie de marché, on va dire, l'économie libérale. Là, le profit, c'est plutôt au profit de l'homme et de tous les hommes, si possible, sans en oublier sur le côté du chemin. Donc on s'inscrit quand même dans une économie solidaire. Alors, les réseaux, c'est une utopie, mais une utopie, en acte, quoi, je veux dire, quelque chose qu'on essaie de créer au jour le jour. Oui, et on dit souvent que les personnes qui découvrent l'existence des logiciels libres disent effectivement que c'est une utopie aussi. Comment des logiciels très performants, qui répondent aux besoins, peuvent exister, peuvent être gratuits, peuvent être disponibles librement. Comment ça peut exister, effectivement ? Ça paraît effectivement utopique, alors que ça marche au jour le jour. Par exemple, même l'Assemblée nationale passe au logiciel libre, des entreprises. La plupart des mairies sont en logiciel libre, si je ne me trompe pas. Un petit peu, quoi, aussi. Je pense que la Riche doit L'espace public numérique de la Riche, effectivement, travaille avec la suite openoffice.org. The Gimp, etc. Donc, effectivement, des gens vivent du libre, travaillent avec le libre. Et même si aujourd'hui, finalement, tout le monde ne connaît pas l'existence des logiciels libres, c'est quand même quelque chose qui existe, qui est concret, donc qui n'est pas utopique. Moi, ça me fait penser que je me suis intéressé longtemps à l'exclusion ou la non-exclusion, et les réseaux d'échange de savoir sont partis de cette idée-là, c'est-à-dire que on ne doit laisser personne sur le bas-côté. Et la richesse d'une société, c'est quand on essaie de... comment dire, de profiter des savoirs de chacun. C'est un peu dommage de dire ces personnes-là sont, ne sont pas porteurs de savoir. On se prive d'une partie de savoir, d'une partie de la population. Et enfin, c'est vrai que ça me paraît pas très malin. Mais donc, les jeux logiciels libres, si je comprends bien, ça serait une utopie, enfin en tous les cas une lutte contre l'exclusion, puisque ça permettrait à des personnes qui pourraient pas s'offrir des logiciels tout propriétaires de se former à l'informatique, d'avoir accès à... Justement, tout à l'heure j'évoquais l'économie du logiciel libre. Il est admis, et puis ça se vérifie sur le terrain, que justement des pays justement dits en voie de développement ont tout intérêt, et c'est ce qui se passe au quotidien finalement en Afrique, en Asie, et ils ont tout intérêt finalement à payer des développeurs localement, à créer de l'emploi dans leur pays, à créer de la formation, à créer tout un tas de choses qui tournent autour du développement de logiciels libres sur place, au lieu de payer des licences qui, de toute façon, vont à l'étranger, puisque ces logiciels propriétaires viennent principalement des États-Unis. Et donc, au lieu d'expatrier, finalement, d'envoyer l'argent dans d'autres pays, l'argent, s'il est investi localement, à payer des gens, et ben ces gens vont consommer sur place, vont payer leurs impôts sur place, et donc participent à l'économie d'un pays. Et donc, c'est aussi pas négligeable, finalement... voilà, dans ce sens-là, quoi. C'est vrai qu'on se posait la question de la rentabilité de, ou tout au moins le fonctionnement de Wikipédia. Enfin, vu de ma planète à moi, je me demandais comment ça. J'imaginais pas qu'il y avait des frais de fonctionnement. On dit c'est libre, c'est gratuit, donc ça coûte rien. Mais il y a forcément un coût, parce qu'effectivement. Tout site internet supporte des coûts. Par exemple, le site de la ruche au Savoir, on a un nom de domaine, on a un hébergement, donc tous les ans il faut payer l'hébergement, et parce que tout ceci a un coût, effectivement. On parle de bande passante, par exemple, sur internet, c'est-à-dire le fait de télécharger des images et du texte, ça a un certain poids, en fait, et donc il faut payer. Dans le réseau, c'est pareil. On dit, il n'y a pas d'adhésion, pas de cotisation, donc, mais comment vous vivez, comment vous faites? Alors, faut savoir qu'on a une subvention. Donc, on a une subvention de la ville de la Riche. Et on a des services qui nous sont apportés par le centre social Equinox. Si on peut chiffrer ça, d'ailleurs on le chiffre puisqu'on est obligé de faire un bilan et une demande de subvention. Donc tout ça a un coût, mais la notion de coût, c'est quelque chose, je dirais. Est-ce que ça coûte quelque chose ou est-ce que ça rapporte quelque chose à la société? Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est quelque chose qui est rentable, au sens où on valorise le lien social, on permet à des gens de rencontrer d'autres personnes, de reprendre pied dans le monde du travail, quelquefois, de reprendre confiance, de reconstruire un petit peu une confiance en soi, éventuellement de réaliser un projet, de se redécouvrir un intérêt pour ça ou ça. Et voilà, on a une utilité sociale. Alors, on n'a pas l'habitude dans notre société de valoriser et de chiffrer, mais on pourrait très bien imaginer qu'on valorise, mais de façon précise, qu'on valorise ou qu'on reconsidère la richesse, comme l'avait dit Patrick Vivray, qui avait écrit un rapport sur qui disait il faut changer notre représentation de la richesse, et pourquoi pas chiffrer le travail bénévole, le travail domestique, etc. Alors qu'on a plutôt l'habitude d'entendre les associations, ça coûte de l'argent, ça rapporte rien, c'est pas rentable, c'est pas productif, alors que... Oui, le bénévolat, finalement, il est quand même créateur de richesse, quoi. Tout à fait, et quand c'est de la production. On produit des richesses qui ne sont pas chiffrables, monnayables, au sens financier du terme, mais qui, au niveau de la société, pourraient être tout à fait, qui sont tout à fait rentables, parce que ça permet à des gens de ne pas être dans l'exclusion, de retrouver du travail. On en a des exemples dans notre réseau, hein, des gens qui sont passés par le réseau. Et ça, ça a été un tremplin. Hein. Il y a des. Oui, une notamment. Une reprise de confiance en soi, oui, puis effectivement. Oui, c'est un passage. Je vois aussi le réseau de Beauvais dans le Nord qui a permis la création, une création collective là, d'un bar, hein, l'écume du jour, qui a permis à des demandeurs d'emploi de créer un bar associatif. Hein. Et donc le passage par un réseau peut être un sas vers l'emploi, par exemple, hein, ou une reconstruction de soi en tous les cas. Hein. Et ça, je pense que ça coûte moins à la société quand on peut, on ne déprime pas, on ne tombe pas malade si on est inclus ou en tous les cas, si on est sollicité et reconnu. Dans un réseau ou dans une association. En conclusion, donc, on a mis en évidence un certain nombre de points communs qui existent entre les logiciels libres et puis les réseaux d'échange de savoir. Il pourrait être intéressant d'ailleurs de faire le parallèle entre les points de divergence. Une autre émission. Sur une autre émission, oui. un dernier mot à ajouter, Bernadette ? Oui, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. J'ai le sentiment que ces démarches de logiciels libres, de réseaux d'échange de savoir, de démarches, de l'essai, les choses comme ça, sont des mouvements donc, qui s'inscrivent dans l'économie solidaire, dont on évoquait quand même beaucoup le nom dans les années 2000 et dont on n'entend plus beaucoup prononcer les termes parce que la conjoncture économique est difficile, on parle beaucoup plus de croissance que d'économie solidaire. Mais j'ai le sentiment donc que ces démarches ressurgissent sous la forme justement de ces logiciels libres, Wikipédia, des choses comme ça, les réseaux d'échange de savoir, bon, qui sont peut-être pas très très connus, mais qui continuent malgré tout à vivre, certains meurent, d'autres viennent. Donc voilà, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui perdure et qui ressurgissent d'une façon ou d'une autre. Et ça, ça me fait beaucoup plaisir et ça me réconforte. Voilà. Joli mot de la fin. merci encore une fois pour cette interview. C'est la fin de ce Vous êtes libre ce soir numéro 6. Retrouvez les liens sur le blog de l'émission, je rappelle l'adresse, www.velcs.info. J'ai envie de dire aussi que c'est la double fin, puisque c'est la fin de la saison automne-hiver 2006-2007 sur l'antenne de Radio Campus Tours. Et j'ai envie de dire au prochain numéro. À bientôt.